Chapitre 5e. Où conduit l'idéal? Son premier soin, dès qu'ils arrivèrent à Paris, fut de choisir un logement où Marguerite put venir à toute heure et sans danger. Il le prit rue de la Sourdière. C'est une de ces rues à double aspect, comme le sont presque toutes celles de ce quartier, demi-fille, demi-honnête. Vers les Tuileries, elle est bruyante et obscure. Vers la rue de la Corderie, elle est calme et l'on n'y rencontre que de braves gens parfaitement vulgaires. Les maisons, comme leurs habitants, prennent un air discret et vertueux. Ce fut une de ces maisons ayant une seconde entrée, rue Saint-Roch, que Maurice choisit, et presque toutes les conditions imposées par les convenances s'y trouvèrent brusquement réunies, bijoutier au premier étage, ce qui donnait une satisfaisante réponse à Marguerite en cas de rencontre fâcheuse, double sortie, ce qui lui permettait de dépister les recherches, enfin, voisinage des Tuileries, de l'église Saint-Roch, ce qui lui permettait d'accourir à toute heure, avec une justification naturelle pour l'esprit le plus incrédule ou le plus malveillant. Lorsqu'elle l'eut vu par elle-même, car en ces sortes d'affaires elle ne s'en rapportait qu'à son examen, elle daigna se déclarer satisfaite. Mais comme il fallait à ses amours un nid élégant, et qu'elle savait la détresse de son amant, elle voulut seule se charger des dépenses, et Maurice, dont la fierté eut autrefois si cruellement pleuré, se laissa sans trop rougir donner l'argent nécessaire. L'habitude avait émoussé sa dignité personnelle, et en acceptant avec une crédulité voulue cette attention de Marguerite, c'était une preuve d'amour qu'il croyait croire. On meubla ce petit appartement avec un luxe et une coquetterie que Maurice n'avait jamais vu que chez quelques femmes. La porte d'entrée fut matelassée pour étouffer les bruits. On cloua sur le carreau d'épais tapis. Dans la chambre à coucher, de doubles rideaux de mousseline et de soie jaune ne laissaient pénétrer qu'une tranquille lumière. Les meubles, fauteuils et ottomanes furent larges et moelleux. Il y eut des glaces aux trois côtés et au plafond de l'alcôve. On réserva une armoire pour quelques porcelaines et une cave richement fournie. Sur la cheminée et les consoles se dressèrent des bronzes et des plâtres, réduction savante des originaux qu'on avait admirés à Naples. C'était la chambre d'une fille plutôt que celle d'un homme. Mais Marguerite l'avait voulu ainsi. Maurice s'y installa presque avec bonheur. Les premiers jours y furent pénibles à passer, car de toutes nos habitudes, les plus douloureuses à rompre sont celles que forment l'accord de deux volontés et qui, brisées par l'isolement, nous laissent sans initiative et sans but. Lui, qui depuis si longtemps ne vivait que par Marguerite, n'agissant que pour elle, n'ayant d'autres désirs que ses désirs, d'autres bonheurs que son bonheur, d'autres consciences que sa conscience, se trouva sans force et sans direction lorsqu'il fut seul. Tout d'un coup la nuit s'était faite, et de la clarté la plus limpide il était tombé dans les ténèbres. Blessé, meurtri, déchiré par tout ce qui l'environnait, il s'efforça de vivre dans le passé ou dans l'avenir, mais il eut beau faire, le présent vint le ressaisir, et le contraste de sa solitude avec ses espérances ou ses souvenirs l'accabla encore plus péniblement. Les heures lui étaient éternelles. Il ne pouvait ni lire, ni travailler, ni même penser à autre chose qu'à son amour. Son cœur avait paralysé sa tête, et il restait des journées entières, immobile de corps, fièvre d'esprit, incapable de former une idée précise et de la suivre, mais lourdement perdu dans des songes inconsistants où Marguerite revenait toujours. Ses hallucinations le brisaient, mais il ne voulait rien faire pour s'en arracher. Au lieu de demander des distractions à ses amis ou au travail, au lieu d'aller chez Martel, qu'autrefois il visitait tous les jours, il se plongeait dans sa douleur, il s'y plaisait, il en était heureux. Plus ses tortures seraient grandes, plus grandes aussi seraient les obligations de Marguerite, plus grande serait sa reconnaissance, plus grand serait son amour. Mais elle était loin de payer ses sacrifices aussi chèrement qu'il l'espérait. D'abord, elle était venue presque tous les jours, puis, petit à petit, ses visites s'étaient faites de plus en plus rares, de plus en plus irrégulières, et Maurice avait passé de longues journées à sa fenêtre, la poitrine incrustée dans l'appui, brûlée par l'attente, épiant chaque voiture qui passait, tressaillant pour un chapeau, une robe, pour une démarche qu'il croyait reconnaître, et perdu lorsque le froufrou d'une jupe bruissait dans l'escalier, se consolant de chaque déception par une espérance nouvelle, attendant le soir ce que le matin ne lui avait pas donné. Mais bien souvent, Le soir et le matin s'écoulaient sans amener Marguerite, car elle se laissait retenir, non seulement par ses nouveaux devoirs, mais encore par son propre égoïsme. Rassasiée, blasée, elle s'inquiétait peu de Maurice, et l'attendait patiemment que le repos eût donné à ses désirs la puissance qu'il leur fallait maintenant pour l'entraîner malgré elle. Alors elle partait, marchait vite le long des maisons, sans se retourner, sans se laisser distraire, légère et hautaine. Elle passait devant le concierge et gravissait l'escalier sans respirer. Avec sa clé, elle ouvrait doucement la première porte, et retenant son haleine, elle ôtait châle et chapeau, puis, poussant rapidement la porte de la chambre, d'un seul bond, elle s'élançait sur lui. Ils oubliaient tout. Leur chair s'aimait, et leur vie se concentrait dans une étreinte. Les baisers empêchaient les paroles. Maurice, qui naguère s'était montré si naïf et si facile dans son amour, la devançait maintenant en inquiétude et en impatience. Il commençait à la bien connaître, et il n'avait pas plutôt essayé d'un plaisir qu'il songeait à un nouveau. En le goûtant, il interrogeait anxieusement sa solidité, se demandant quels autres, celui-là épuisé, pourraient la passionner et ainsi la retenir. Comme il savait qu'elle le suivrait fidèlement tant qu'il pourrait offrir à sa curiosité quelque chose d'inconnu qui tint son esprit éveillé et lui donna des émotions nouvelles, tous les moyens lui étaient bons pour provoquer ses émotions. Quand elle lui promettait une soirée, il ne se faisait plus fête de la passer au coin du feu, parlant doucement de leur amour, regardant le bois flamber, restant de longs moments silencieux à écouter leur cœur. Mais il cherchait laborieusement comment il remplirait ses heures, pour lui trop courtes, pour elle trop longues, et par quel plaisir il pourrait l'entraîner à revenir le lendemain. Ce fut ainsi qu'un jour qu'elle était venue dîner avec lui, il lui proposa d'aller au bal masqué. La soirée s'annonçait mauvaise. Des paroles orageuses avaient été échangées. Une querelle, une rupture peut-être, était imminente. « Le carnaval commence ce soir, » dit Maurice. « Eh bien, si nous allions à l'opéra, masqué, dans une loge ou dans la salle, comme tu voudras. »« Dans une loge, non. S'ennuyer au milieu de ceux qui s'amusent, j'aime mieux m'ennuyer seul. » Il la respectait encore assez pour croire qu'elle avait peur de descendre sur le plancher, où Chicard et Caoutchouc ont conquis leur réputation. Il se tut. « Si nous allions à la barrière, » dit-elle, « c'est peut-être plus drôle. » Cette idée ne lui fut pas venue, mais l'idée ne lui vint pas davantage de s'étonner ou de refuser. On fit apporter des costumes. Marguerite prit celui d'une laitière et, comme Maurice hésitait entre un pierrot et un sorcier, « Pourquoi pas un prince charmant ?» dit-elle. « Voilà ce qu'il te faut. » Elle montra les guenilles d'un chiffonnier qu'un comédien venait de mettre à la mode dans une pièce populaire. Ils se firent conduire à Belleville. « Allons, mon homme, donne-moi la main, » dit-elle en descendant de voiture sur le pavé gras et fangeux du boulevard extérieur. Et elle se mit à rire aux éclats, ses yeux étincelaient. Dans la rue de Paris, la lumière des illuminations s'abattait en nappes aveuglantes sur la foule qui encombrait les trottoirs et la chaussée. Des restaurants, des cafés, des guinguettes sortaient des cris, des chansons, une confusion de voix et de bruit qui dominait par instants les éclats du trombone et du cornet à piston. « Où entrons-nous ? » demanda Maurice. « Ici, » dit-elle en montrant la porte, où la cohue se pressait plus compacte et d'où sortait le plus formidable vacarme. Malgré sa résolution, elle eut cependant un frémissement en franchissant cette porte, et il sentit qu'elle affermissait son masque. Mais ce ne fut qu'un éclair. Elle ne montra ni embarras ni dégoût à se frayer un passage au milieu de la foule pour gagner une galerie d'où l'on dominait la salle de danse. Ils s'assirent devant une table de bois étroite et humide. Dans un brouillard de tabac, les quinquets filaient et fumaient. Une odeur de vie, de rhum chaud, de sueur, de plancher constamment arrosé, picotait la gorge et soulevait le cœur. Auprès d'eux, on buvait du vin cuit dans des saladiers ébréchés. Le garçon vint pour les servir. « Ça, » dit-elle en montrant ce mélange bleuâtre, dont elle ne savait ni le nom ni la composition. Non seulement elle trempa ses lèvres dans son verre, mais encore elle le vida. Au-dessous d'eux, la foule passait et repassait. L'orchestre faisait rage comme s'il eût joué pour son propre plaisir. La salle tremblait sous le pas cadencé des danseurs. On sautait, on gesticulait, on se déhanchait, on criait, on hurlait, on applaudissait. À leur côté, des buveurs à moitié ivres se racontaient leurs chagrins ou leurs exploits. Les couples aux traits hâves et plombés se parlaient d'amour et concluaient leurs fiançailles en choquant leurs verres. Une jeune fille qui n'avait pas 15 ans, habillée en débardeur, était seule accoudée sur une table, la tête entre ses mains. Elle pleurait dans son bol et répétait par instants « Maman, maman !» Dans la foule circulaient des hommes qui paraissaient connaître presque toutes les femmes. Leurs costumes étaient prétentieux, choisis pour faire valoir leurs avantages, des mousquetaires, des gardes françaises. Quelques-uns n'étaient pas déguisés. Ils portaient une redingote courte, serrée à la taille, et une casquette rabattue sur l'oreille. On avait déjà plusieurs fois tourné autour d'eux. Cette femme masquée, quand si peu l'était, intriguait. L'un de ces hommes s'arrêta devant leur table. « Oui, chiffonnier, t'as donc enlevé une princesse ?» Avant que Maurice eût pu répondre, Marguerite, d'un mouvement rapide, se démasqua. Devant son regard, l'homme baissa les yeux et, machinalement, involontairement, il porta la main à sa casquette. Puis, leur tournant le dos, il descendit dans la salle. « Viendras-tu ce soir ?» demanda Maurice, lorsque le matin ils se séparèrent. « De bonne heure pour dîner !» Depuis Montmorency, il ne lui avait pas vu pareille égalité de bonne humeur et de joie. « Dînons vite !» dit Maurice, lorsqu'elle arriva. « Parce que, une surprise, veux-tu te fier à moi ?»« Seulement, pressons-nous, le coiffeur va venir. » Sur le divan étaient préparés ses vêtements d'homme. Elle reprit son petit paletot flottant à la taille, et sur ses cheveux roulés, elle enfonça son feutre noir. Puis, bras dessous, gaiement comme deux étudiants en débauche, ils descendirent. Bien fin eût été celui qui, dans ce gros garçon de 17 ans, eût reconnu Marguerite de Fargis, la veuve du banquier Baudistel. À 7 heures, il prenait place à la queue du théâtre de l'Ambigu, et à 7h30, il se penchait la tête sous la barre de fer de l'amphithéâtre. Elle prit goût à ce jeu. Ce n'était pas le mélodrame vertueux ou le vaudeville grivois qui l'attirait, mais le contact de la foule émue, les cris des gamins, les galanteries des filles et de leurs amants, les exclamations, les joies, les applaudissements, les pleurs, les réflexions du public des galeries supérieures. Elle se faisait fête de se perdre au milieu de cette foule, d'être foule elle-même, d'en avoir les passions, les naïvetés, les vices, les appétits, de s'oublier, d'être inconnue, de se sentir poussée, coudoyée, entraînée, de pousser, de coudoyer elle-même, à une grossièreté de répondre hardiment et promptement. Par le contraste, elle aviva encore ses étranges émotions. Depuis leur retour à Paris, elle n'avait pas voulu recevoir Maurice chez elle. Un matin, en se séparant à la halle, où ils étaient venus achever leur nuit, elle lui donna rendez-vous pour le soir même à l'hôtel. Et là, dans son salon de réception, les lustres allumés, les domestiques dans l'antichambre, ils se jouèrent l'un à l'autre la comédie de l'amour. Lui, comme s'il la pressait, elle, comme si elle cédait pour la première fois. Puis, poussant leur rôle jusqu'au bout, elle voulut qu'il revînt le lendemain, mais cette fois au milieu de la nuit. Elle l'attendit à la porte qui fait communiquer le jardin avec le boulevard des Invalides, le guida au travers des charmilles, et le matin le renvoya au petit jour, en se donnant sérieusement la scène du balcon de Roméo. « c'est le jour, fuis vite, pars, va-t'en !» Tout Paris s'occupait alors d'une femme qui avait été condamnée à mort pour avoir assassiné son mari dans des conditions romanesques et dramatiques. On attendait son exécution d'un jour à l'autre. Le soir où Marguerite reparut pour la première fois aux Italiens, Maurice, pendant l'entracte, vint lui faire visite dans sa loge et lui annonça que cette exécution aurait lieu le lendemain. Elle lui fit le signe convenu, qui voulait dire qu'après le théâtre, elle se ferait reconduire à l'hôtel, mais qu'à 1 heure, elle serait chez lui. À 1h30, elle arriva. « Vite, mon paletot, mon feutre, où allons-nous ? Place de la Roquette. » Bien qu'il tombât une petite pluie fine, continue, les rues avoisinantes étaient déjà encombrées. Ils purent cependant se faufiler assez haut pour apercevoir la porte de la prison et la lugubre machine. Ils restèrent là, sur leurs jambes, depuis 2 heures jusqu'à 7. Autour d'eux, on hurlait, on riait, on imitait les cris de tous les animaux connus. Il y avait des femmes en toilette de théâtre, il y avait des gens attentifs et soigneux qui avaient apporté de la charcuterie, du pain et du vin dans des litres. On mangeait, on buvait à la santé des femmes avec toutes sortes de propos cyniques. Jusqu'au matin, la foule augmenta, se tassa petit à petit. les pelotons de sergents de ville, de soldats, de gendarmes, de gardes municipaux, en se développant, refoulèrent en arrière les curieux les plus avancés, et la masse humaine se comprima encore. À cette heure, il se fit un grand mouvement. Un formidable mugissement se leva, puis un terrible silence s'établit. « Soulève-moi !» dit Marguerite. Il la prit dans ses bras et la soutint malgré les cris, malgré les bourrades. Il ne voyait rien. Un coup sourd qui lui retentit dans le cœur lui fit lâcher prise. Ils revinrent portés par la foule. Ils se tenaient par la main, mais ils ne se regardaient ni l'un ni l'autre. Il vint enfin un jour où, malgré tout, aucun attrait, aucune illusion ne la poussa plus vers son amant. Elle en savait trop pour être émue ou surprise. Elle en savait trop pour désirer encore. Quel désir, d'ailleurs! N'avait-elle pas tout essayé, usé, épuisé? Aussi, les rares journées qu'elle se décida à lui donner encore furent-elles pour elle, pour son ennui, pour sa fatigue, plus longues et plus mortelles chaque fois. À de délicieux souvenirs, elle n'ajoutait plus que des souvenirs fastidieux. Elles creusaient l'abîme, elles augmentaient la distance, elles accomplissaient insensiblement la séparation. Rien de ce qui était passion ne la touchait plus, et enveloppant dans un même dédain l'amour et l'amant, chaque fois maintenant qu'elle se séparait de Maurice, elle s'en allait plus injuste, plus irritée envers lui. Car, tout naturellement, c'était lui qu'elle accusait, c'était lui le seul coupable, lui qui l'avait entraînée sans avoir la force de la soutenir, lui qui n'avait jamais su résister au moindre caprice, lui en qui elle s'était confiée et qui n'avait jamais été qu'un guide sans expérience, sans initiative, sans volonté, sans énergie. Alors, elle le jugea avec une impitoyable sévérité. Elle avait, jusqu'à cette heure, regardé ses qualités par le petit bout de la lorgnette et ses défauts par le gros bout. Elle fit tout le contraire. Le point de vue étant ainsi changé, la vision changea aussi. Elle l'avait vu jeune et gracieux, le regard parlant et perçant, la bouche fraîche, le front large, les sourcils épais et soyeux, les cheveux noirs, longs et légèrement bouclés, la peau fine et blanche, la démarche naturelle et facile. Elle le vit mal peigné, déjà gandé, le nez trop gros, les doigts trop maigres, les ongles trop courts. Il était franc, naïf, original. Il n'avait pas deux caractères, un de parade, l'autre intime, un pour ses amis, un pour le monde. Il disait tout ce qu'il pensait et comme il le pensait. Il se laissait aller à toutes ses impressions et les traduisait crûment. Elle le trouva trop grossier, manquant de cette politesse que la société met au-dessus du cœur et de l'esprit. Elle rougit d'enfantillage et d'étonnement dans les choses de la vie qui autrefois l'avaient amusée et qui lui parurent bourgeois. Et elle accusa de petitesse et de pauvreté des sentiments qui souvent l'avaient ravie par leur gentillesse et leur fraîcheur. Il était bon, il fut bête. Il était emporté, il fut brutal. Il était faible, il fut lâche. Il était exalté, il fut ridicule. Elle fit si bien qu'elle en vint à rougir de son amour. Elle le trouva banal. Ses platitudes et ses mesquineries lui soulevèrent le cœur. Et comparant Maurice aux hommes qu'elle voyait chaque jour, elle renia, se demandant naïvement comment elle avait pu l'aller choisir entre tant d'hommes distingués pour l'élever jusqu'à elle. Qu'avait-il donc de si entraînant? Que lui avait-il donné? Que lui donnait-il encore en échange de tous ses sacrifices? À quelle honte, à quelle raillerie ne s'exposait-elle pas? Le monde, si indulgent pour les fautes qu'il partage, aurait-il jamais assez de colère, assez de mépris pour une liaison aussi vulgaire? Et à cette pensée, elle s'irritait et se dévorait intérieurement. Ses dispositions malveillantes étaient encore éperonnées et envenimées par sa mère, qui apportait dans cette tâche un empressement et une amertume dignes de la plus haute moralité. C'était une femme sèche et osseuse, de haute taille, le nez fort et aquilin, le visage en lame de couteau, la gorge nulle, les hanches à peine indiquées, se balançant comme un sol pleureur, penchant la tête à droite, à gauche, en avant, en arrière, mais plus souvent en arrière, parlant mielleusement et au milieu d'un soupir ou décochant une épigramme cruelle, vénéneuse comme la langue qu'il avait lancée, et avec cela un air doucereux quand elle se le donnait, haineux quand elle s'oubliait, et une physionomie générale où éclataient l'intrigue et l'esprit. Marguerite, qui avait vécu près d'elle de 16 à 22 ans, et qui avait le temps de la connaître et de l'apprécier, s'était hâtée, aussitôt son mariage, de la reléguer dans une terre que M. Baudistel possédait en Sologne, où elle pouvait à son aise commander, quereller, chicaner les paysans, blesser, humilier, diviser les voisins, qui tout d'abord avaient été ses amis. À la mort de M. Baudistel, un rapprochement avait été tenté de part et d'autre. Après 15 jours, la mère et la fille avaient eu 30 querelles, une par repas, et elle était repartie pour la province. Au retour d'Italie, Marguerite voulait reprendre ses réceptions, et ayant en outre besoin de sa mère pour expliquer son absence, lui avait écrit une lettre presque affectueuse, dans laquelle elle l'engageait à revenir, et Madame de Fargis, heureuse de cette remise en activité, était arrivée pleine d'interrogations, de projets et de conseils. Aux interrogations, Marguerite avait refusé de répondre. Elle avait prié seulement de laisser dire et croire qu'elles avaient fait ensemble un voyage en Italie. Par la pension qu'elle faisait à sa mère, Marguerite était maîtresse. Ni l'une ni l'autre ne l'oubliait. Aux projets et aux conseils, elle fut plus patiente. Ses projets, c'était tout simplement la reprise ou plutôt la continuation des anciens, c'est-à-dire un mariage. M. Baudistel n'était pas au Père-Lachaise que déjà Mme de Fargis songeait à un nouveau gendre. Toutes deux n'étaient plus au temps où, pour se montrer le soir au bal du salon de Spa ou de Dieppe, il leur fallait elles-mêmes, dans la journée, laver, sécher, repasser leurs mouchoirs et leurs jupons. Grâce au banquier, Marguerite était riche. De la dot, qui dans une sage et habile prévoyance lui avait été faussement reconnue au contrat, elle avait 1 million et l'hôtel de la rue de Varennes. De sa part, dans la société d'accueil et donation au plus vivant, 15 ou 1 800 000 francs, sans compter le domaine de la Sologne. C'était un revenu d'au moins 250 000 livres qui pouvait faire un bel appât et lui donner enfin dans le vrai monde une position supérieure à celle que M. Baudistel occupait dans la banque et les affaires. Quand, le soir de l'enterrement, elle avait exposé à sa fille ce beau plan, Marguerite, trop heureuse de sa nouvelle liberté, et tout entière d'ailleurs à Maurice, l'avait nettement interrompu. Mais plus tard, quand, rassasiée d'amour, dégoûtée de son amant, fatiguée de la passion qu'elle avait reconnue impuissante et qu'elle croyait morte à jamais dans son cœur, elle avait entendu les mêmes idées reprises et caressées avec une inaltérable persistance, elle les avait écoutées plus favorablement. « Dans la position que tu t'es faite, disait Madame de Fargis, un mariage est indispensable. Lui seul peut faire taire bien des bruits et te rendre la considération que ton voyage en Italie t'a fait perdre. Ma mère. Ma fille, je ne vous fais pas de reproches. Je vous avertis amicalement. Tu comprends bien, n'est-ce pas, qu'on ne trompe pas une femme comme moi. Tu es la maîtresse d'un petit monsieur, un artiste qui doit se nommer Berthaud ou quelque chose comme ça. Les médisances de tes amis ne me l'auraient point dit, que tu me l'apprendrais toi-même par tes imprudences, tes sorties éternelles, et tes précautions de dire à tes gens que tu viens passer la journée ou la nuit chez moi, tandis qu'en réalité tu vas les passer chez lui. Eh bien, ma fille, tout cela est enfantin, maladroit et ridicule. Tu es veuve, je le veux bien, mais tu n'es pas libre comme tu le crois. Mariée avec le monde, ton amour, pour un homme qui ne lui appartient pas, est un adultère. C'est une faute qui te perdrait à jamais. Il t'a plu, il est charmant, spirituel, adorable, tu l'as aimé, c'est bien. Mais vous n'êtes pas unis pour l'éternité. Ces gens-là, ma chère, sont sans conséquence. On les prend, on les quitte au gré de son caprice, ils le savent. Et plus d'une fois, je leur ai entendu dire à eux-mêmes que leur rôle était d'avoir les femmes sans en garder une seule. On les choisit pour leur esprit, leur drôlerie, leur originalité, on les sait habiles et savants dans l'art d'aimer. C'est cette habileté et cette science qu'on leur demande, rien de plus. Leurs leçons servent plus tard pour la vie réelle et préparent le bonheur dans un amour honorable et sérieux. Marguerite écoutait et ne répondait pas. Pendant ce temps, Maurice attendait des visites de plus en plus rares, et au fond du cœur, il était plein de colère et de désespoir, tandis que Marguerite était pleine de lassitude et d'hésitation. De là naissaient des querelles irréparables. Souvent, elle arrivait rue de la Sourdière des heures, des journées après l'instant promis. Pour Maurice, le temps s'était lentement écoulé en impatience fiévreuse. Tout ce qu'un esprit sagace peut prévoir de malheur, 20 fois il l'avait prévu. Toutes les probabilités, il les avait essayées et pesées. Toutes les impossibilités, il les avait admises. Marguerite malade, Marguerite retenue par sa mère, Marguerite empêchée par ses devoirs, Marguerite blessée, écrasée par une voiture, Marguerite oubliant l'heure fixée, Marguerite fâchée, Marguerite infidèle, Marguerite l'abandonnant, l'oubliant, le repoussant. Mais les deux idées qui revenaient sans cesse, c'étaient les plus probables, celles de maladie ou d'oubli, car pour les obligations et les nécessités sociales, il ne les acceptait pas. Malade, malade loin de lui, sans qu'il pût la voir, sans qu'il pût la soigner, la veiller, l'endormir, sans pouvoir même apprendre quelle était cette maladie. Mais était-elle bien réellement malade? Elle arrivait. « Te voilà. Qu'as-tu donc fait? D'où viens-tu ?» À ces interrogations où se mêlaient la colère et la joie, Marguerite, qui souvent accourait pleine de cette bienveillance que nous donne le sentiment de notre propre faute, Marguerite rentrait le sourire qui était sur ses lèvres, laissèrent tomber les bras qu'elle ouvrait déjà pour l'embrasser, et prenant un air calme, répondait froidement qu'il lui avait été impossible de venir plus tôt. Toujours la même réponse. Tout maintenant est impossible pour toi, autrefois rien ne l'était. Voyons, Maurice, ne nous querellons pas. Tu as souffert de mon retard, j'en ai souffert aussi. Par tes propres douleurs, juge des miennes. Tous deux malheureux, soyons sages tous deux, ne nous fâchons point. Et levant sur lui ses yeux que jusqu'alors elle avait baissés, et l'inondant de lumière et de chaleur, elle reprenait plus doucement. N'en parlons plus, n'est-ce pas? Viens m'embrasser, le veux-tu? Mais il ne pouvait ainsi se calmer en quelques minutes. Au milieu des caresses, sa colère, lentement amassée, étreignait son cœur et y soulevait encore d'irrésistibles éclats. « Que tu m'as fait souffrir. Au moins ne pouvais-tu pas me prévenir? Tu m'en veux donc encore? Nous allons recommencer. Non, mais tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas trahi, tu ne veux pas rompre, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes, jure-moi que tu m'aimes toujours. » Toutes les promesses, tous les serments qu'il voulait, elle les lui faisait d'un air recueilli et solennel. C'était un de ses moyens de séduction les plus efficaces. Elle s'était toujours si hautement posée dans sa dignité, et au milieu de ses railleries et de son mépris pour toute chose, elle avait si habilement su faire croire à sa religion pour la parole jurée, qu'elle avait persuadé Maurice de la sincérité de cette parole, en même temps qu'elle avait encore persuadé qu'on ne trompait pas, sans qu'il s'en aperçût, un homme aussi habile et aussi rusé que lui. Et sur ces serments, Maurice s'efforçait d'avoir la foi et de ne plus douter, mais à certains moments la tentation était trop forte. Un mot, un rien, réveillait ses soupçons. Alors c'était Marguerite qui s'emportait. D'abord ils essayaient de se contenir et parlaient sans se regarder. Puis ils s'excitaient, la prudence leur échappait, leurs yeux se relevaient en se cherchant, et tandis que par leurs paroles ils entassaient outrage sur outrage, ils se poignardaient du regard. Ce qu'ils avaient fait l'un pour l'autre, ils se le reprochaient mutuellement. « Oui, disait Marguerite, je t'ai sacrifié mon honneur et ma réputation. Moi, mon avenir, ma jeunesse, mon talent, ma santé. Depuis que nous avons quitté Montmorency, je vis dans la fièvre et n'ai point une seule minute de bonheur parfait. J'ai senti que tu m'entraînais dans un gouffre et je t'y ai suivi. J'ai senti que j'étais perdu, et cependant j'ai lutté, non pour moi, mais pour toi qui m'abandonne aujourd'hui. » Ils continuaient ainsi, cherchant tous deux les paroles les plus acérées, les plus amères. Ils se déchiraient, ils se calomniaient sans relâche. Comme deux ennemis, ils s'admiraient dans leurs attaques et dans leurs ripostes. Irrésistiblement poussés par l'ardeur de la lutte, ils en venaient, dans leur furie, à se lancer des injures qu'ils savaient fausses, que la haine seule pouvait inventer et qu'il s'acharnait à dire et à redire pour la seule satisfaction de répondre à une seule blessure par une plus cruelle blessure. Sur quelques paroles trop brutales, Marguerite, sans répliquer, se levait, prenait son châle, mettait son chapeau et s'enfuyait en tirant fortement la porte. À ce bruit, Maurice devenait lâche, le cœur lui manquait, il courait après elle, et dans l'escalier, prière, supplication, humiliation, il employait tout pour la retenir et la rappeler. Quelquefois elle cédait. Le plus souvent elle se dégageait sans pitié, lui décochait un dernier regard chargé de menaces, descendait sans se retourner, et sur le trottoir, elle marchait droite, légère, ne lui faisait point son signe d'adieu, si plein de caresses et de promesses. Alors, éperdu, il se jetait sur son lit et éclatait en sanglots. Il se rappelait ses paroles les plus dures et les plus injustes. Il les maudissait, se maudissait lui-même, et tombant dans un douloureux abattement, il pleurait toutes les larmes de son cœur. En cette extrémité, sa seule consolation était de lui écrire. dans des lettres interminables, il se mettait à genoux, la face dans la poussière, et se frappant la poitrine, demandait grâce. Dans chaque page, le mot « pardon » se trouvait plus de 10 fois. Sa lettre envoyée, il retrouvait un peu de calme et attendait. Un jour s'écoulait, elle ne venait pas. Un second jour s'écoulait, puis un troisième, puis un quatrième. Il écrivait de nouveau, plus humble, pressant, plus suppliant, et il l'attendait encore. Il n'avait plus conscience de lui-même. Ses artères ne battaient plus. Dans sa tête, les idées se mêlaient, confuses, assourdissantes. Sa raison lui échappait avec les minutes qui s'enfuyaient. Il voulait courir chez elle. Il ne voulait plus la revoir. Il se fixait un jour où il se tuerait si elle n'était point venue. Il était stupide. Il était fou. Il tournait en courant dans sa chambre. Il restait immobile, couché sur le tapis. Puis, à bout de patience et de force, il avalait un verre d'eau avec quelques gouttes d'opium. Et se jetant sur son lit, il s'endormait enfin. C'était quelques heures de trêve, pendant lesquelles, supprimant le temps et détruisant la réalité, il s'était transporté dans un monde où il trouvait repos et bonheur. Lorsqu'enfin il se décidait à revenir, c'était des joies, des transports, des débordements, où la douleur disparaissait comme une goutte d'eau dans la mer. Loin de les séparer, ses querelles et ses rapprochements les rejetaient plus étroitement dans les bras l'un de l'autre. Marguerite y trouvait des émotions qui la réveillaient, et son orgueil jouissait délicieusement à se sentir aimé avec cette frénésie. Mais ce n'est point impunément que l'on prononce de certaines paroles, et si, de l'amitié, les querelles sont sans conséquence, c'est que les qualités que l'on nie sont des qualités réelles qui, la colère passée, réapparaissent lumineuses et sereines. Mais en amour, où presque tout est illusion et imagination, où l'objet aimé est aimable surtout par les dons que l'on a groupés autour de lui, par les charmes, les grandeurs, les enthousiasmes, les poésies qu'on lui a attribuées, le jour où l'on touche à ses dons, à ses charmes, à ses grandeurs, à ses enthousiasmes, à ses poésies, ce jour-là, comme la neige, ils nous fondent dans la main, ils disparaissent à jamais, et plus jamais nous ne les retrouvons. Aussi, ces rapprochements factices et fouettés les laissaient-ils retomber plus affaissés, et les visites de Marguerite devenaient de plus en plus irrégulières. En même temps, elle s'affermissait chaque jour dans ses idées de rupture et n'attendait plus qu'une occasion favorable. Car elle avait cette sorte de bonté nerveuse qui, attentive à nous épargner la moindre souffrance, nous empêche de faire souffrir ceux qui nous entourent et voudrait les éloigner pour ne point entendre leurs plaintes. Elle avait cherché 1000 moyens. Elle avait tâché de faire naître les occasions. Projet de voyage pour lui, excitation à la gloire, conseil d'aller quelques jours en Bretagne, raillerie de leur amour qui ne serait point éternel, bouderie, brusquerie, colère, absence. Tout avait été inutile. Les querelles s'étaient toujours terminées par des rapprochements. Lorsqu'elle était fatiguée ou mal disposée, cette constance et cette résignation ne faisaient que la pousser à bout. Elle s'irritait, se montait la tête et partait de chez elle avec la volonté bien arrêtée de s'affranchir enfin de cet indigne esclavage. En chemin, elle préparait ses paroles, elle s'encourageait et s'affermissait. Provoquer Maurice à l'injure ne lui était pas difficile, et alors, ce qu'elle savait de plus cruel, de plus mortifiant, elle le disait. Elle frappait à coups serrés sur son caractère, sur son cœur, sur son esprit. Puis, quand elle le voyait désespéré, elle redoublait. Pendant des heures entières, elle prenait plaisir à éperonner cette douleur, puis à la retenir, à l'accélérer, à la mater brusquement, à la précipiter à toute bride. Mais malgré sa volonté et ses projets, elle se laissait prendre à ce jeu, elle s'attendrissait à voir ses larmes. Il était si accablé, si malheureux, qu'elle revenait à une sorte de justice. Elle sentait ses torts, elle accusait sa dureté, elle faisait de douces avances, elle le plaignait, elle s'approchait de lui, s'asseyait sur ses genoux, le prenait dans ses bras, l'embrassait sur les yeux, et leurs larmes se confondaient. Ils recommençaient à s'aimer, et ils retrouvaient encore des plaisirs. Mais le paisible bonheur, le calme, la continuité, la confiance, il ne les retrouvait plus. En ces jours de trêve, cependant, Marguerite s'excitait à l'amour. Elle se demandait si, après quelques mois d'affranchissement, elle ne se prendrait pas à regretter cette passion que tant de fois elle avait maudite. Elle se demandait quelle joie serait assez puissante pour combler le vide qu'elle allait faire dans sa vie. Elle se demandait encore s'il était un regain pour l'amour, et s'il pourrait donner une seconde moisson de fleurs aussi belle et aussi parfumée que la première. Alors, Elle voulait résister au désastre. Elle évoquait ses souvenirs. Montmorency, Fontainebleau, l'Italie. Elle lisait les grands poètes de l'amour. Elle y cherchait des refuges, même des armes pour lutter. Elle se cramponnait aux branches. Elle soufflait sur des charbons éteints de son cœur. Mais il ne pouvait plus lui donner ni chaleur ni lumière. Et il lui fallait reconnaître que c'en était à jamais fini. Car elle ne pouvait pas toujours combattre. Au point où ils en étaient venus, sa passion se heurtait à chaque instant à son orgueil, à son ambition, à ses désirs, à sa volonté, à son caractère. C'était une bataille de tous les jours, sans victoire possible, où tous deux ne pouvaient que souffrir. Sans doute, elle avait été heureuse de se laisser promener par un guide aimable dans un pays plein de charme et de mystère. Mais maintenant qu'il fallait venir au secours de ce guide épuisé, maintenant qu'il fallait partager ses labeurs, devant cette tâche, elle reculait et se disait que, bien évidemment, elle n'était pas faite pour l'amour, qu'elle voulait rester belle, et que la passion déflore la pureté des traits. Argente la chevelure, entoure les yeux d'un cercle marbré, voue ses victimes à toutes les souffrances et à tous les sacrifices, au doute, à l'inquiétude, à la jalousie, à l'abnégation. Pour s'être donnée une fois, fallait-il qu'elle se donnât toujours? Et très sincèrement elle plaignait ce pauvre Maurice. Mais, lui aussi, n'était-il pas coupable? S'il s'était montré plus habile et plus prévoyant, s'il n'avait pas toujours abdiqué force et vouloir, s'il avait su inspirer cette tendresse respectueuse qui fait voir dans l'homme aimé un homme supérieur, s'il ne s'était pas mis à genoux devant tous ses caprices ou toutes ses colères, peut-être serait-il encore heureux, et pour aujourd'hui, et de longues années. C'était ainsi, et fatalement, qu'elle en revenait à accuser Maurice, et à s'éloigner de lui par des routes mêmes qu'elle prenait pour s'en rapprocher. Tous ces efforts arriveraient-ils donc au même résultat? Et par une passion qui n'était pas plus qu'une habitude, se laisserait-elle ainsi toujours vaincre et tourmenter? Et comme elle se sentait trop faible pour rompre en face, elle se promettait de le voir de moins en moins et d'en finir lentement. Pendant ses absences préméditées, Maurice attendait. Puis, à l'heure où elle ne pouvait venir, emporté par le besoin de la voir, il allait au bois guetter son passage. Confondu dans la foule, il la regardait passer, distribuant ses sourires à ceux de ses amis qui la croisaient, se penchant pour échanger quelques paroles avec d'élégants cavaliers qui couraient à ses côtés, lui sur le trottoir, les pieds dans la boue, poussé, coudoyé, dérangé, elle ne le voyait même pas. Il rentrait plein d'angoisse. Lui aussi, il voulait rompre. Il méprisait cette femme, il la jugeait, il voulait la tuer et se tuer ensuite. Il voulait se distraire, s'amuser, se guérir. Mais chaque pas qu'il faisait pour s'éloigner d'elle lui arrachait un lambeau de chair, et la maladie dont il se sentait mourir lui paraissait encore moins douloureuse que la guérison. Pendant que chaque jour apportait sa pierre à la muraille qui s'élevait entre eux, il survenait d'heureuses fortunes qui ouvraient de l'un à l'autre des échappées de lumière et de confiance. Parfois, Marguerite arrivait pleine d'ardeur. Malgré ses résolutions d'indifférence et de calme, elle avait été mordue par une vague réminiscence, et quoiqu'elle en rougît, quoiqu'elle s'en révoltât, elle avait succombé à cette mémoire des sens, si violente, si tyrannique. Dans leur chambre, c'étaient des cris de joie, des délires, des extases, comme c'était bien rare qu'elle en vît maintenant. Marguerite appelait les souvenirs à son aide, elle évoquait les anniversaires, et demandait au passé ce que la lassitude ne pouvait plus lui offrir. Les paroles de feu qui jadis l'avaient échappé, elle les cherchait dans sa tête pour les redire encore. Elle cherchait aussi les baisers et les étreintes d'autrefois. Mais elle avait beau, de toutes ses forces, se ruer dans le plaisir, elle n'y trouvait plus rien de neuf ni de spontané. Elle avait fait au souvenir un appel désespéré, et pour la satisfaire, ce n'étaient que des souvenirs qui avaient répondu. Ce qu'il pouvait avoir de vivace et de puissant, la comparaison venait aussitôt l'amoindrir et le déflorer. Après une semaine où les choses en étaient venues à un tel point qu'ils avaient tous deux pensé à la rupture avec un égal bonheur, elle voulut faire une dernière tentative et arrivant un soir chez Maurice. « Mais voici, je reste jusqu'à demain soir. Si tu le veux, nous irons à Montmorency. Est-ce donc pour un dernier adieu? Non, mais pour un pèlerinage. Pourquoi de l'amertume? Quand je viens à toi pleine de tendresse, dis, veux-tu que nous partions demain? Va retenir une voiture, et qu'elle soit à notre porte à 6 heures, pour que nous arrivions là-bas avec le jour. » À l'heure dite, ils partirent, et pendant tout le chemin, serrés l'un contre l'autre, bien cachés derrière les vitres que leur haleine couvrait de buée, ils causèrent délicieusement du passé. Ils laissèrent leur voiture à Saint-Prix, et à pied ils se mirent en route. Elle aussi, au premier aspect, elle était tristement changée, la forêt. On était au commencement de février, et toute la nuit il avait tombé une petite pluie, qui vers le matin s'était prise en glace. L'herbe, cristallisée, craquait sous les pas. La boue s'était séchée en croûte jaunâtre. Sur l'eau des ornières, il y avait là çà et là des treillis de glaçons. Le ciel était gris, et le vent soufflait faiblement, mais continuellement, piquant et froid. Ils arrivèrent. Tout était triste et morne. Les arbres n'avaient plus de feuilles. L'étang n'avait plus de fleurs. L'eau qui descendait des ravins s'amoncelait sale et bourbeuse, et par la vanne ouverte, entraînait dans de rapides tourbillons des mousses, des roseaux et des branches. La balançoire, où tant de fois elle s'était balancée, n'était plus sur l'esplanade. La table, où tant de fois ils avaient dîné, n'était plus sous le sureau. Le chien n'était plus dans sa niche, et les poules, qui tant de fois avaient picoré autour d'eux, s'étaient réfugiées sur le fumier pour trouver un peu de chaleur. Dépouillé de sa parure de rosier et de chèvrefeuille, le vieux donjon montrait ses deux tours sombres, et sous son enveloppe de lierre et de lichen, il attristait comme un tombeau. La porte était fermée, ils la poussèrent. Près de la cheminée où brûlait un petit feu de feuilles, Madame Michel rabaudait des bas. Au bruit, elle leva la tête et se mit à pousser des cris. Puis, sa surprise étant un peu calmée, elle jeta dans l'âtre deux ou trois brassées de brindilles qui s'enflammèrent et répandirent dans la cuisine la chaleur et la gaieté. Ce feu et les paroles affectueuses de la brave femme leur firent du bien. Le contraste de ce qu'ils venaient de voir avec ce qu'ils se rappelaient leur avait étreint et comme étranglé le cœur. Leurs yeux étaient pleins de larmes, ils n'avaient point encore osé échanger un seul mot. Ils voulurent déjeuner dans leur ancienne chambre. Ils la retrouvèrent telle qu'ils l'avaient laissée, avec sa grande cheminée, son grand lit d'indienne, ses chaises de noyer et ses cadres en bois blanc où se lisaient les aventures d'un officier français en Afrique. Mais le soleil ne glissait plus par la fenêtre. Les hirondelles ne tournoyaient plus à la vitre, les fauvettes ne chantaient plus dans les branches, il respirait une nauséabonde odeur de linge, de pommes et de renfermé. Ils n'étaient point entrés qu'ils eurent hâte de s'enfuir. Ce n'était point là leur chambre. Ils descendirent promptement et commencèrent leur pèlerinage de la forêt. Comme autrefois elle s'appuya sur son bras, comme autrefois il la serra doucement, comme autrefois encore ils se parlèrent bas, lui penché vers elle, elle plongeant ses yeux dans ses yeux, et de temps en temps se haussant sur la pointe des pieds pour lui donner un baiser. « C'est là, » disait Maurice. « C'est là, t'en souviens-tu ? » répondait Marguerite. Et leur phrase, il l'achevait dans un regard ou dans un baiser. À chaque pas, il leur semblait qu'un de leurs chagrins les abandonnait et s'envolait au travers des bois. À chaque pas, ils étaient plus légers, plus calmes, plus confiants. Ils se sentaient devenir heureux et jouissaient de cette nature qui les enivrait et les berçait. Cependant, elle était bien peu splendide, cette nature. Le ciel était toujours morne et le vent soufflait toujours. Les arbres étendaient en l'air leurs grands bras nus. Les feuilles mortes tournoyaient et s'amoncelaient aux épées. Les herbes sèches et belles s'inclinaient sur le chemin. Dans cette vallée, qu'ils avaient vue si fraîche et si fleurie, il n'y avait plus ni verdure, ni chansons d'oiseaux, ni parfums, ni lumière, ni chaleur. Le gazon où tant de fois ils étaient venus s'asseoir avait disparu sous une épaisse couche de sable et de vase qu'avaient apporté les grandes pluies. Mais cette désolation, ils ne la voyaient pas. C'étaient les yeux du cœur et du souvenir qui regardaient, et les feuilles bruissaient dans la lumière. Les fraises rougissaient le bord des sentiers. Sous les chênes ombreux, les digitales dressaient leurs longs épis aux fleurs pourpres. La brise apportait une pénétrante senteur de muguet et de bouleau. Tout au loin, les merles et les fauvettes chantaient leurs joies et leurs amours. La poésie du passé les avait enlevés sur ses ailes. Ils étaient au dernier jour de mai, au temps où, pour la première fois, ils avaient parcouru ces sentiers, où leur cœur débordait d'amour, où un mot, un geste, un regard, un silence les ravissaient à la terre, où, perdus en eux-mêmes, ils n'aimaient que ce qui venait d'eux-mêmes, où leurs désirs ne connaissaient ni les longues préparations, ni les longues excitations, où leurs lèvres n'avaient encore prononcé que des paroles d'amour, où leurs yeux n'avaient encore que souri, où leurs mains n'avaient encore que caressé. Au temps des joyeux rires dans les courses soleils, au temps des langoureuses étreintes sous les nuits étoilées. Ce fut ainsi qu'ils parcoururent successivement les diverses stations de leurs anciens pèlerinages, et jamais ils n'avaient ressenti une si profonde félicité. Il leur semblait qu'ils étaient arrivés flétris, épuisés, abattus, et qu'à mesure qu'ils marchaient, l'espérance et la vie leur revenaient. Ils étaient, comme cette nature, endormis sous le linceul de l'hiver, mais où cependant rien n'était mort. Déjà la sève bouillonnait dans les rameaux, les feuilles et les fleurs éclataient en bourgeons, et sous un souffle plus doux, bientôt allait éclore un nouveau printemps plus jeune, plus frais, plus riche. Marguerite était folle de bonheur. Maurice plus discret et plus recueilli. Elle allait, elle courait, elle revenait à lui, elle l'entourait de ses bras, elle se pendait à ses lèvres, et doucement, elle murmurait de douces paroles. Pendant qu'ils étaient assis sur un des coteaux qui regarde le pays de France, elle s'éloigna quelques instants. Au pied d'une cépée, un bois joli commençait à fleurir, elle en détacha quelques rameaux, et joignit deux ou trois petites branches de houx aux baies rouges, les entoura de chatons de saule, et revenant vers Maurice qui la contemplait, elle se mit à genoux devant lui. « Cher Maurice, dit-elle de sa voix la plus séduisante, quand nous avons quitté ce pays, tu m'as donné un bouquet, moi je l'ai oublié, et depuis, je t'ai fait bien souffrir. Si à l'avenir je suis injuste et cruelle, tu me les montreras. Elles me diront que mon bonheur est près de toi, que c'est toi seul que j'aime et que j'aimerai toujours. » Elle se jeta dans ses bras. Ils se tinrent longtemps embrassés. Longtemps ils se dirent et se redirent leurs promesses, leurs projets, leurs espoirs.